un petit film là-dessus. Oui, bien sûr. On fait des postages. Bien sûr, bien sûr. Interview avec... Toi, tu fais interview avec... Avec Krasou. Avec Krasou. D'accord. Si. Attends, hein, attends. Ok. Merci, Nico. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Attends, je vais proposer. Hein? Moi je suis comme ça moi. Les gens qui ont envie, moi je propose. Comment tu dis ça? Bonjour. On est à la San Juan, à Cata. Je suis mort bourré, mort plein. Il y a ici du jus de je sais pas quoi. Et je vais servir ça à Kassou. Notre ami Kassou. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal la San Juan? ¿Qué tal la San Juan? ¡Oh, bonito! ¡Chévere! ¡Il n'a pas capté que tu filmes! ¡Sí! Là. Va par là. Il passera pas là. C'est pas notre problème ça. Tu lui demandes et tu lui prends la bouteille.